l'instant, Chargal va l'enfermer avec Nora. Il ne risque rien. Mais il faut trouver du poisson au plus vite, sinon je crains le pire. Mais comment faire? Attendez, je crois avoir une idée pour nous débarrasser de ce monstre. Samson, tu te rappelles les plantes urticantes que nous avons rencontrées? Les irritatus? Oui, c'est ça! Eh bien, tu vas aller en ramasser quelques-unes, car toi seul en es capable. Puis, avec ces plantes, nous allons remplir le poisson que Gnor a pêché. Je pense qu'avec un plat pareil, Chargal devrait avoir une très mauvaise digestion. Très bonne idée, Mirette. Je cours tout de suite chercher ces plantes. Et tandis que Samson la fourmi est partie faire son étrange cueillette, Mirette et Gnor reprennent peu à peu espoir. Ils sortent le poisson pêché par Gnor et l'ouvrent avec mille précautions. Au bout de quelque temps, Samson revient, tirant comme un forcené les plantes aux bizarres effets. Après en avoir rempli le poisson, Samson, suivi de Mirette, retourne se cacher dans la vieille souche. Gnor, quant à lui, dispose bien en évidence sur la grosse pierre le poisson empoisonné et va se tapir sous un amas de roseaux. Puis, tous attendent anxieusement le retour de Chargal. Celui-ci ne tarde pas à réapparaître. Ailleurs, où donc est passé ce vaurien de lutin? Ah, il me paiera cela, le gredin. Mais que vois-je? Il m'a tout de même laissé ce poisson. Oh, c'est tout juste bon pour caler ma dent creuse. Oh, oh, mais il ne perd rien pour attendre. Je vais aller tout de suite à sa recherche, mais auparavant, je vais me régaler de ce poisson. En disant ces mots, Chargal se précipite sur le poisson et d'un seul coup l'avale. Alors, pris soudain d'une terrible démangeaison dans la bouche, le monstre essaie de recracher le poisson. Mais il est trop tard. Le poison des plantes s'est répandu dans tout le corps de Chargal, provoquant d'horribles irritations. Celui-ci devint alors comme un fou. Il se débat et gigote dans tous les sens, se roule par terre et finalement se précipite vers une petite mare. Et là, plongeant la tête dans l'eau, il boit à n'en plus finir. Et il boit, et il boit, et il boit. Il va même jusqu'à vider la mare, mais rien n'y fait. Les démangeaisons sont toujours présentes. Alors, n'y tenant plus, il court comme un démon à travers le marais et se retrouve au milieu de sable mouvant dans lequel il commence à s'enfoncer lentement. Il se débat, mais en vain. Les sables mouvants l'aspirent inexorablement et bientôt, il disparaît à tout jamais. Mirette, Samson et Gnor, ayant assisté à la scène, sortent de leur cachette avec des cris de joie. Hurrah ! Nous avons réussi ! Nous voilà à tout jamais débarrassés de ce monstre ! Bravo Mirette ! Ton idée était excellente ! Oui, et quel redoutable pouvoir ont ces plantes ! Bon, mes amis, allons vite délivrer Gnora et Nimbus qui doivent se morfondre dans l'antre de Chargal. Tu as raison, Gnor, ne perdons pas de temps. Et les trois amis suivant le sentier arrivent après une petite marche à la grotte de Chargal. Y pénétrant, ils découvrent Gnora et Nimbus enfermés dans une sorte de cagibi. Après les avoir délivrés de leur prison, ils leur racontent la terrible fin de Chargal. Merci les amis, je désespérais de vous revoir un jour. Oui, merci, merci beaucoup. Les marais sont grâce à vous délivrés maintenant de cet horrible monstre. Nous allons enfin pouvoir retourner dans notre cabane au bord du lac. Et moi, que d'aventures je vais avoir à raconter à mon chef fourmi. Ah, quel bonheur d'être libre. Allez les amis, je vous invite tous à la maison. Vous pourrez vous y reposer après toutes ces émotions. D'accord, Nor. Mais après, il nous faudra fabriquer un radeau pour que nous aussi nous puissions retourner chez nous. Bien sûr, Nimbus. Et ne t'inquiète pas, il y a autour de notre cabane une forêt de lianes et de bambous. Nous allons tous vous aider à construire votre radeau. Allez, en route. J'ai hâte de quitter cet endroit. Nimbus et Mirette, Gnor et Gnora ainsi que Samson empruntent donc le chemin désormais libre menant à l'autre bout de l'île. Marchant d'un bon pas, ils arrivent bientôt en vue de la cabane des lutins près du lac. Après s'y être reposés, ils confectionnent ensemble un solide radeau. Puis ils le mettent à l'eau et vient le moment des adieux. Moi, Gnore le lutin, j'étais désespérée. Un seul poisson en ce jour j'avais pêché. Chargal ne me l'aurait jamais pardonné. Mais pour moi, ce jour est béni car j'ai rencontré trois amis. Moi, Mirette, j'ai eu une géniale idée. Le poisson rempli de plantes empoisonnées. Pour chacun le monstre nous avons laissé. Celui-ci s'en est bien gavé. Dommage pour lui, ça l'a tué. Moi, Samson, courageuse guerrière fourmi, j'ai guidé dans le marécage les deux souris. Et ma mission avec fierté, j'ai bien remplie. Chargal repose désormais pour toujours au fond du marais. Moi, Nimbus, dans l'antre de Chargal, prisonnier avec Nora, nous voyions la fin arriver. Mais vous êtes là et tout s'est bien terminé. Le monstre est anéanti. Merci à vous, braves amis. Moi, Gnora, j'étais prisonnière du destin. Mais heureusement pour nous autres, les lutins, la Providence vous a mis sur notre chemin. La vie redeviendra comme avant, calme et paisible pour longtemps. Allez, il est temps maintenant de se quitter. Merci de votre aide. Ce radeau est beaucoup plus robuste que notre nénuphar. Nous allons pouvoir naviguer en toute tranquillité. Au revoir, les amis. Au revoir et bon retour. Et c'est avec un beau soleil rougissant de fin de journée que nos deux souris voguent sur le lac bleuté d'un calme absolu. Après un voyage de retour sans embûche, Mirette et Nimbus regagnent bientôt leur maison. Eh bien, Nimbus, je ne suis pas fâchée d'être arrivée. Quelle journée! Oh oui, que d'émotions! Nous avons vécu une incroyable aventure. Mais nous voici de retour chez nous, sains et saufs. Tout est bien qui finit bien. En somme, ce fut une journée d'été tout à fait ordinaire. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. Et heureusement, tout est bien qui finit bien. J'espère que cela t'a plu. Alors, si tu as aimé les personnages de Nimbus et Mirette, tu peux te procurer le premier volet de leurs aventures intitulé « Le sortilège de Nécrochu », à moins bien sûr que tu ne l'aies déjà. Tu y retrouveras les deux souris aux prises avec une terrible sorcière. Alors, à bientôt.